FSI, French Revised, Unit 5, Tape 7. Situation 1. Écoutez. Monsieur Léger est dans une agence immobilière. Il voudrait louer une villa. L'agence a une villa au bord de la mer. Elle est libre pour 2 mois et elle coûte 500 francs par mois. Monsieur Léger va téléphoner cet après-midi. Je voudrais louer une villa pour l'été dans la région de Nice. Au bord de la mer, monsieur ? Oui, et avec 3 chambres. Nous en avons une de libre pour 2 mois. Combien coûte-t-elle ? 500 francs par mois. Très bien, je vais vous téléphoner cet après-midi pour vous dire si je la prends. Situation 1. Répétez. Je voudrais louer une villa pour l'été dans la région de Nice. Au bord de la mer, monsieur ? Oui, et avec 3 chambres. Nous en avons une de libre pour 2 mois. Combien coûte-t-elle ? 500 francs par mois. Très bien. Je vais vous téléphoner cet après-midi pour vous dire si je la prends. Situation 1. Participez. Vous êtes Monsieur Léger. Commencez. Au bord de la mer, monsieur ? Nous en avons une de libre pour 2 mois. 500 francs par mois. Maintenant, vous êtes l'employé de l'agence. Je voudrais louer une villa pour l'été dans la région de Nice. Oui, et avec 3 chambres. Combien coûte-t-elle ? Très bien. Je vais vous téléphoner cet après-midi pour vous dire si je la prends. Situation 2. Écoutez. Monsieur Cassin va à la gare. Monsieur Berthier ne veut pas aller à la gare avec lui parce qu'il fait trop froid. Monsieur Cassin va apporter de l'aspirine à Monsieur Berthier. Je dois aller à la gare. Est-ce que vous voulez venir avec moi ? Non, merci. Il fait trop froid. Quand il neige, je reste chez moi. Voulez-vous que je vous apporte quelque chose ? Oh, je ne voudrais pas vous déranger, mais si vous allez à la pharmacie, pouvez-vous m'apporter de l'aspirine ? Volontiers. Situation 2. Répétez. Je dois aller à la gare. Est-ce que vous voulez venir avec moi ? Non, merci. Il fait trop froid. Quand il neige, je reste chez moi. Voulez-vous que je vous apporte quelque chose ? Oh, je ne voudrais pas vous déranger, mais si vous allez à la pharmacie, pouvez-vous m'apporter de l'aspirine ? Volontiers. Situation 2. Participez. Vous êtes Monsieur Cassin. Commencez. Non, merci. Il fait trop froid. Quand il neige, je reste chez moi. Oh, je ne voudrais pas vous déranger, mais si vous allez à la pharmacie, pouvez-vous m'apporter de l'aspirine ? Maintenant, vous êtes Monsieur Berthier. Je dois aller à la gare. Est-ce que vous voulez venir avec moi ? Voulez-vous que je vous apporte quelque chose ? Volontiers. Question drill. Comment sont les routes quand il pleut ? Pleut-il souvent au mois de juillet dans le midi ? Neige-t-il l'été dans le midi ? Quel temps fait-il dans le midi? Allez-vous au bord de la mer quand il fait froid? Quand allez-vous au bord de la mer? Aimez-vous la neige? Qu'allez-vous faire pendant le week-end? Avez-vous des vacances? Combien de jours avez-vous? Aimez-vous les vacances? Quand vous avez des vacances, où allez-vous? Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer l'été? Avez-vous une villa dans le midi? Quand commence l'été? Quel est le dernier jour de l'hiver? Où habitez-vous? Combien de jours y a-t-il dans l'année? Quels sont les mois de 31 jours? Que comptez-vous faire cet été? Habitez-vous en ville ou à la campagne? Fait-il froid l'été à Paris? Neige-t-il quand il fait chaud? Comptez-vous travailler pendant vos vacances? Travaillez-vous le dimanche? Traversez-vous la ville pour venir travailler? Combien de jours y a-t-il en juin? Aimez-vous les chaussures à grosses semelles? Qu'allez-vous faire samedi prochain? Allez-vous souvent au bord de la mer? Response drill. Demandez à où il est allé pendant le week-end. Où êtes-vous allé pendant le week-end? Demandez à s'il est allé à la campagne. Êtes-vous allé à la campagne? Demandez à si la nouvelle route traverse la forêt. La nouvelle route traverse-t-elle la forêt? Dites que vous espérez prendre vos vacances la semaine prochaine. J'espère prendre mes vacances la semaine prochaine. Dites que vous n'aimez pas les vacances. Je n'aime pas les vacances. Demandez à s'il a beaucoup de vacances. Avez-vous beaucoup de vacances? Demandez à s'il pleut aujourd'hui. Pleut-il aujourd'hui? Dites que vous ne savez pas quel temps il fait aujourd'hui. Je ne sais pas quel temps il fait aujourd'hui. Demandez à s'il sait qu'il va pleuvoir. Savez-vous qu'il va pleuvoir? Demandez à s'il sait où vous habitez. Savez-vous où j'habite? Dites à que vous ne savez pas où il habite. Je ne sais pas où vous habitez. Demandez à où il habite. Où habitez-vous? dites que vous habitez près d'ici. J'habite près d'ici. Dites que vous restez à Paris jusqu'en juin. Je reste à Paris jusqu'en juin. Demandez à comment il va au bord de la mer. Comment allez-vous au bord de la mer? Demandez à s'il aime la nouvelle route. Aimez-vous la nouvelle route? Demandez à si ses bagages sont dans l'auto. Vos bagages sont-ils dans l'auto? Demandez à s'il sait où sont ses amis. Savez-vous où sont vos amis? Dites que vos amis arrivent bientôt. Mes amis arrivent bientôt. Demandez à combien de valises il a. Combien de valises avez-vous? Dites à que vous comptez aller en ville samedi. Je compte aller en ville samedi. Demandez à s'il travaille vendredi prochain. Travaillez-vous vendredi prochain? Demandez à jusqu'à quelle heure il travaille. Jusqu'à quelle heure travaillez-vous? Dites à que vous ne savez pas à quelle heure vous allez travailler. Je ne sais pas à quelle heure je vais travailler. Demandez à s'il aime Paris au printemps. Aimez-vous Paris au printemps? Demandez à pourquoi il ne va pas à Paris en été. Pourquoi n'allez-vous pas à Paris en été? Demandez à s'il y a beaucoup de monde à Paris en août. Y a-t-il beaucoup de monde à Paris en août? Demandez à s'il sait à quelle heure arrive l'avion de Paris. Savez-vous à quelle heure arrive l'avion de Paris? Dites à que vous ne savez pas le nom de l'hôtel où sont vos amis. Je ne sais pas le nom de l'hôtel où sont mes amis. Dites à que vous allez déposer votre ami à la gare. Je vais déposer mon ami à la gare. Dites-moi que j'exagère toujours. Vous exagérez toujours. Review drills. Review drill 1. Tutor. Vous arrivez à une heure? Student. Non, j'arrive à 2 heures. Tutor. Vous arrivez à 3 heures? Student. Non, j'arrive à 4 heures. Vous déjeunez à midi? Non, je déjeune à 1 heure. Vous arrivez à 5 heures? Non, j'arrive à 6 heures. Vous déjeunez à 1 heure? Non, je déjeune à 2 heures. Vous arrivez à 8 heures? Non, j'arrive à 9 heures. Vous arrivez à 10 heures? Non, j'arrive à 11 heures. Vous arrivez à 6 heures? Non, j'arrive à 7 heures. Vous déjeunez à 11 heures? Non, je déjeune à midi. Vous arrivez à 9 heures? Non, j'arrive à 10 heures. Review Drill 2. Tutor. Combien font 70 et 1? Student. 70 et 1 font 71. Combien font 60 et 1? 60 et 1 font 61. Combien font 80 et 1? 80 et 1 font 81. Combien font 69 et 1? 69 et 1 font 70. Combien font 100 et 1? 100 et 1 font 101. Combien font 89 et 1? 89 et 1 font 90. Combien font 90 et 1? 90 et 1 font 91. Combien font 20 et 1? 20 et 1 font 21. Combien font 1000 et 1? 1000 et 1 font 1001. Review Drill 3. Tutor. Combien font 10 et 6? Student. 10 et 6 font 16. Combien font 3 et 3? 3 et 3 font 6. Combien font 3 et 4? 3 et 4 font 7. Combien font 1 et 1? 1 et 1 font 2. Combien font 6 et 6? 6 et 6 font 12. Combien font 5 et 5? 5 et 5 font 10. Combien font 2 et 1? 2 et 1 font 3. Combien font 10 et 3? 10 et 3 font 13. Combien font 10 et 2? 10 et 2 font 12. Combien font 2 et 2? 2 et 2 font 4. Combien font 12 et 2? 12 et 2 font 14. Combien font 6 et 4? 6 et 4 font 10. Combien font 16 et 4? 16 et 4 font 20. Combien font 4 et 6? 4 et 6 font 10. Review Drill 4. Tutor. Avez-vous une auto? Student. Non, je n'ai pas d'auto. Avez-vous de la monnaie? Non, je n'ai pas de monnaie. Avez-vous de l'aspirine? Non, je n'ai pas d'aspirine. Avez-vous des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Avez-vous une place? Non, je n'ai pas de place. Avez-vous du fromage? Non, je n'ai pas de fromage. Avez-vous une auto? Non, je n'ai pas d'auto. Avez-vous des vacances? Non, je n'ai pas de vacances. Avez-vous un frère? Non, je n'ai pas de frère. Review Drill 5. Tutor. Aimez-vous la chaleur? Student. Non, je n'aime pas la chaleur. Avez-vous du pain? Non, je n'ai pas de pain. Apportez-vous une valise? Non, je n'apporte pas de valise. Assurez-vous la valise? Non, je n'assure pas la valise. Assurez-vous les bagages? Non, je n'assure pas les bagages. Comptez-vous la monnaie? Non, je ne compte pas la monnaie. Avez-vous de la monnaie? Non, je n'ai pas de monnaie. Critiquez-vous la Normandie? Non, je ne critique pas la Normandie. Demandez-vous des fiches? Non, je ne demande pas de fiches. Avez-vous les billets? Non, je n'ai pas les billets. Avez-vous le billet? Non, je n'ai pas le billet. Avez-vous du sucre? Non, je n'ai pas de sucre. Savez-vous la leçon? Non, je ne sais pas la leçon. Y a-t-il de l'aspirine? Non, il n'y a pas d'aspirine. This concludes Unit 5.